dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. C'est vraiment avec plaisir que je vais partager avec vous cette petite exhortation. La Bible déclare, exhortez-vous les uns les autres. C'est biblique. Donc, bien-aimés, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, vous pouvez voir à quel point le diable est organisé, à quel point le diable est mobilisé pour faire en sorte que le maximum de personnes aillent en enfer. On peut voir aujourd'hui à quel point le diable et ses adeptes combattent l'œuvre de Jésus. L'œuvre de Jésus, le ministère, tout est combattu. Satan n'attaque plus l'église de l'extérieur. Satan est rentré dans l'église par les faux hommes de Dieu pour attaquer l'œuvre de Dieu à l'intérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des faux hommes de Dieu. Nous avons des frères, des sœurs qui sont des Judas en quelque sorte. Nous avons dans l'église des Judas, hommes, femmes, et nous avons des faux hommes de Dieu. Avant, le diable attaquait l'église depuis l'extérieur. Mais dans ces temps de la fin, Satan est rentré dans la bergerie pour commettre des dégâts, pour détruire. Et il y a beaucoup de victimes. Il y a des gens qui se sont fait avoir financièrement, d'autres sexuellement. Surtout, beaucoup de sœurs en Christ ont été victimes sexuellement des faux hommes de Dieu. Donc, dans cette situation, le Seigneur va allumer les flammes. Le Seigneur va pousser ses filles, ses fils à dénoncer les œuvres de l'ennemi, à mettre à nu les pratiques du diable, afin de réveiller les consciences, afin que les personnes qui étaient aveugles, les personnes qui étaient dans l'ignorance se réveillent et qu'ils puissent être capables de discerner l'ivraie et le blé. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Bien-aimés, je vais lire, pour introduire l'exhortation, je vais lire dans l'évangile de Jean, que vous connaissez, au chapitre 7. Les pharisiens, les docteurs de la loi sont en face de Jésus. Et on lui pose la question sur sa doctrine. Jésus répond, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Jésus-Christ est clair. « Ma doctrine n'est pas de moi. Ma doctrine, c'est la doctrine de celui qui m'a envoyé. » Ok, nous allons lire dans l'évangile de Jean, c'est plutôt dans l'épître de Jean, c'est-à-dire 2 Jean, au chapitre 9, au verset 11. Il est écrit, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui va plus loin, qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine à le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites même pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. La Bible dit, celui qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Et si quelqu'un vient vers toi, même s'il dit qu'il s'appelle bishop, révérend pasteur, évangéliste général de ceci, de cela. Si cette personne n'a pas la doctrine de Christ, c'est pas la peine. Ne le recevez pas dans votre maison, même s'il s'appelle bishop. C'est ce que la Bible dit. C'est quoi la doctrine de Christ? Parce que ça, c'est important. C'est quoi la doctrine de Christ? Christ Jésus va manifester aux yeux de tout le monde la doctrine de celui qui l'a envoyé. Il va vivre cette doctrine, il va parler cette doctrine, il va agir selon cette doctrine. C'est quoi cette doctrine? On voit Jésus qui annonce l'évangile du salut, on voit Jésus qui prie pour les malades, guérit les malades, délivre les captifs, ressuscite les morts, on voit Jésus se manifester, annoncer le royaume de Dieu. C'est ça la doctrine de celui qui l'a envoyé. Celui qui l'a envoyé lui a donné cette doctrine. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que vous avez une autre doctrine aujourd'hui que Satan a introduit dans l'église. Je vais revenir là-dessus. Je vais d'abord continuer pour voir les deux doctrines aujourd'hui qu'on trouve dans l'église. Et vous serez enfant de Dieu où que tu sois. Tu pourras savoir qui est de Dieu, qui ne l'est pas. Parce que la Bible dit, si quelqu'un vient à toi et qu'il n'a pas la doctrine de Jésus, si quelqu'un va au-delà de la doctrine de Jésus, la Bible dit dans l'épître de Jean, au chapitre 2, au chapitre 9, que cette doctrine n'est pas de Dieu. Cette personne-là n'a pas Dieu. Donc, on te dit, si quelqu'un vient vers toi et qu'il n'a pas la doctrine de Jésus, cette personne n'a pas Dieu. Dieu n'est pas avec lui. Même s'il s'appelle bishop, même s'il s'appelle révérend évangéliste, même s'il s'appelle révérend apôtre, Dieu n'est pas avec lui. D'où l'importance de connaître la doctrine de Christ pour pouvoir la comparer aux autres doctrines, afin que tu saches que là, j'ai affaire à quelqu'un qui est dans l'obéissance, dans la doctrine de Jésus, et là, j'ai affaire à un faux prophète. Alors, nous allons lire, bien aimé, dans la doctrine de Jésus, Jésus la manifeste, il n'a rien à cacher. Jésus est venu manifester, vivre, appliquer, parler la doctrine de celui qui l'a envoyé. On a ici un premier cas, 10 hommes. Qui souffraient, dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, 10 hommes qui souffraient de la lèpre. Ils ont entendu parler de Jésus. C'est sûr que ces personnes ont vu des médecins et autres avant, ils n'ont jamais été guéris. Alors les 10 décident de venir voir Jésus. Et quand ils viennent voir Jésus, vous connaissez l'histoire, Luc chapitre 17, les 10 lépreux vont être guéris. Jésus va les guérir. Et qu'est-ce qui va se passer? 9 lépreux, après la guérison, sont retournés au quartier, mener leur vie comme d'habitude. Et un seul a suivi Jésus. Et Jésus lui a dit, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a eu 10 guérisons, 10 lépreux guéris. Un seul a été sauvé. Mais ce qui est important ici, les 10 lépreux qui viennent voir Jésus, Jésus ne parle pas d'offrande. Parce que vous allez comparer les doctrines. Aujourd'hui, dans l'église, il y a la doctrine de Jésus et il y a la doctrine du diable. Dans la doctrine de Jésus, Jésus guérit. Mais dit les peuples, Jésus ne dit pas, on va bâtir l'autel. Jésus ne dit pas, venez me voir demain avec une offrande. Non. Jésus les a guéris tout de suite. Gloire à Dieu. Dans Matthieu, au chapitre 8, je vais aller vite, au chapitre 8, versets 5 à 13, la Bible dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Ce centenier aborde Jésus. Et Jésus est allé guérir le malade que ce monsieur avait chez lui. Mais Jésus ne dit pas à ce monsieur, « Pour que je prie pour ton parent là, il faut une offrande. » Jésus ne dit pas, on va d'abord bâtir l'autel. Parce que vous allez comparer les 2 doctrines qu'on trouve aujourd'hui dans l'église. Et vous remarquerez que dans la doctrine de Jésus, c'est gratuitement que des gens obtenaient les guérisons, les délivrances, les miracles et autres. Nous allons voir ici, dans Matthieu chapitre 8, verset 14. Jésus va guérir la belle-mère de Pierre. La belle-mère de Pierre est malade. Jésus va guérir cette femme. Jésus ne dit pas à Pierre, bien-aimé, une offrande, frère, il faut qu'on bâtisse l'autel. Ces paroles, on n'entend pas ça, ça n'existe pas dans la doctrine de Christ. Je vais aller dans Matthieu chapitre 9, verset 18. La Bible dit, un chef vient se prosterner devant Jésus et lui dit, ma fille est morte, viens pour lui imposer les mains. Jésus est allé. Un chef vient dire à Jésus, ma fille est morte, Seigneur. Et Jésus va aller imposer les mains à cette fille sans demander à ce chef une offrande. Jésus n'a pas parlé de bâtir l'autel. Bien-aimés, nous avons dans l'évangile de Jean au chapitre 5, verset 1, vous connaissez la piscine, une piscine appelée Bethesda. La Bible dit qu'il y avait un homme là, un vieux là, qui était couché au bord de la piscine. Depuis 38 ans, cet homme était malade. Et quand Jésus l'a vu, Jésus est venu vers ce monsieur et Jésus lui dit, tu veux être guéri? Et cet homme dit, Seigneur, à chaque fois que je me lève pour aller plonger dans la piscine, quelqu'un m'a devancé. Parce que chaque année a une date fixe, fixée par Dieu. En fait, un ange de Dieu descendait du ciel l'ange plongeait dans la piscine. Et quand l'ange remuait l'eau, le premier malade qui sautait dans la piscine était instantanément guéri sur le champ. Ça se passait comme ça. Le problème, c'est que ce monsieur malade depuis 38 ans, quand il se levait pour courir, quelqu'un le devançait et c'était toujours comme ça. Et vous allez remarquer que Jésus va guérir ce malade. Jésus ne lui parle pas d'offrande. Jésus ne lui dit pas, pose d'abord une offrande. Pas de ça. Jésus le guérit. Dans la doctrine de Jésus, retenez-le bien. Je vais lire, pour terminer, de la doctrine de Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 11. Marthe et Marie envoient des gens dire à Jésus que ton ami Lazare, il est mort. Et vous allez remarquer que quand Jésus vient, Marthe lui dit, « Oh Seigneur, dommage que tu n'étais pas ici, sinon mon frère ne sera pas mort. » Et Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Bon, vous connaissez l'histoire. Ce qui est intéressant ici, c'est que quand Jésus demande, on l'a enterré où? Et qu'est-ce qu'on répond à Jésus? « Oh non Seigneur, ça fait 4 jours, il sent déjà, il pourrit, il est en décomposition. » On ne peut plus le toucher. Il sent déjà. Bien-aimé, c'est quelqu'un qui était mort. Il était déjà en décomposition. Là, il fallait un miracle fort de la part de Dieu. Jésus ne dit pas, bien-aimé, Marthe, Marie, mes soeurs, là, franchement, c'est fort. Il faut une offrande. Là, il faut une offrande. Là, on va bâtir l'autel. Parce que là, ça demande un miracle fort. Il faut une offrande. Lazare va revenir à la vie par Jésus-Christ sans un centime d'offrande. Ok, quelqu'un va peut-être dire, mais oui, c'est Jésus. Ok, là, on va descendre, voir comment les apôtres ont géré leur ministère. Vous savez tous, bien aimés, la Bible dit, Jésus a dit dans l'évangile de Marc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Et vous savez aussi que le même Jésus a donné son pouvoir aux disciples. Le pouvoir de guérir les malades. Le pouvoir de chasser les démons. Et Jésus leur dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Parce que dans la doctrine de Jésus, on reçoit la puissance de Dieu gratuitement. Et on l'applique, on la donne gratuitement. Il n'y a pas de une offrande d'abord avant la délivrance, une offrande d'abord avant une prière. Il n'y a pas ça dans la doctrine de Jésus. Parce que vous avez aujourd'hui dans l'église, comme je l'ai dit, 2 doctrines. Mais il faut que vous sachiez que la doctrine de Jésus, c'est pas payant. On ne demande pas une offrande avant une prière. Dans la doctrine de Jésus, on ne bâtit pas l'autel avant quoi que ce soit. Vous allez voir, bien aimé. Je vais prendre ici un passage dans Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, au chapitre 11, Actes 19, versets 11 à 22. La Bible dit, je vais lire, « Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades le linge et les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul. » Et ces personnes étaient guéries. Je voudrais faire une petite parenthèse là-dessus. Parce que vous allez entendre des faux hommes de Dieu qui ont été chercher des mouchoirs chez des marabouts. Vous s'appuyez sur ce passage. Parce que ici, si vous lisez bien le passage, Actes des Apôtres, chapitre 19, au verset 11. On nous dit ici que des personnes venaient avec leur linge et leur mouchoir. Ils venaient toucher le corps de Paul avec leur linge et leur mouchoir. Avec ce mouchoir-là, ils allaient l'appliquer sur leurs malades à la maison, les malades restés au quartier. Et ces personnes étaient guéries. Mais vous allez remarquer que Paul, dans son ministère, n'a jamais utilisé un mouchoir. Paul n'a jamais utilisé un mouchoir. La Bible dit dans Actes des Apôtres que c'est des gens eux-mêmes, la foule, les gens de la foule, venaient toucher le corps de Paul. La personne amène son mouchoir ou son linge. Il vient toucher le corps de Paul et puis il amène le mouchoir là. Il va le toucher sur le malade qu'il a à la maison. Et la personne était guérie. Paul lui-même n'a jamais utilisé un mouchoir. Parce que vous avez des faux hommes de Dieu qui prennent des mouchoirs magnétisés qui ont été travaillés chez le marabout et ils font des trucs avec ces mouchoirs-là. Alors que Paul, lui, n'a jamais utilisé un mouchoir. C'est des gens qui amenaient leur propre mouchoir, venaient toucher le corps de Paul et allaient l'appliquer aux malades qu'ils ont au quartier. Ce n'était qu'une parenthèse. Je vais descendre, bien aimé. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 28, au verset 8, la Bible dit que le père de Publius, c'était un frère en Christ, son père était au lit malade. Et Paul est allé vers le bien-aimé pour prier pour son père. Et Paul va guérir cet homme. La Bible dit, Actes 28, Paul impose les mains à cet homme et cet homme a été guéri. Paul ne dit pas à Publius, bien-aimé, là il faut une offrande. Si ton père ne peut pas donner une offrande, donne une offrande. Là, on va bâtir l'autel pour la guérison de ton père. On voit ici Paul qui respecte ce que Jésus a dit, les recommandations de Jésus. Je vous ai donné gratuitement. Vous aussi donnez gratuitement. Paul guérit le père de Publius sans offrande. Paul n'a rien demandé. On continue. Gloire à Dieu. Dans Actes chapitre 5, on va lire ce que la Bible dit. Il est écrit, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait, gloire à Dieu, les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et qu'on les plaçait sur des lits et que même des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Ça alors, au verset 16, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Pierre ne demande pas une offrande à qui que ce soit, il n'y a pas d'offrande. Pierre ne demande pas une offrande. Bien aimé, on va lire également dans Actes des Apôtres au chapitre 9, du verset 1 au verset 12. Écoutez bien aimé ce qui va suivre. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur, réconfortée par l'Esprit Saint. Elle, gloire à Dieu, se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient à Lod. Lod, c'était une ville. Il y trouva un homme du nom de Énéas, alité depuis 8 ans. Parce qu'il était paralysé, Pierre lui dit, Énéas, Jésus-Christ guérit. Lève-toi et fais ton lit toi-même. Pierre trouve 8 ans. Énéas est malade. Pierre ne dit pas, il faut une offrande, bien-aimé. Énéas, là on doit bâtir l'autel là. Là il faut quelque chose avant la prière. Il faut que tu donnes une offrande. Non, Pierre prie pour lui. Énéas est guéri. C'est pas fini. Gloire à Dieu. Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de l'Aude et de la plaine de Saron purent le voir et ils se convertirent en se tournant vers Jésus. Il y avait aussi à Jaffa, une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, gloire à Dieu, elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut après la toilette funèbre. On l'avait même lavé, la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Oh Seigneur, comme l'Aude est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel, « Viens chez nous sans tarder. » Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre haute. Toutes les veuves en larmes s'approchèrent de lui. Elles lui montraient les tuniques, les manteaux confectionnés par Dorcas quand celle-ci était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Tabitha est morte. On a même lavé le corps et on l'a placé dans une chambre. Seul, le corps était là-bas. On envoie appeler Pierre. Pierre arrive et on le dirige vers la chambre où se trouve Tabitha. Pierre se met à genoux. Tabitha avait de la famille. Pierre ne dit pas, bien-aimé, là, c'est fort, elle est morte. Il faut quelque chose de puissant. Frère, là, il faut une offrande à Dieu. Là, il faut une offrande, bien-aimé. Tabitha est déjà morte, là, il faut une offrande. On va bâtir l'autel d'abord pour que Dieu fasse le miracle. Ces choses-là n'existent pas dans la doctrine de Christ. Vous pouvez voir vous-même, que ce soit Paul, que ce soit les autres disciples, que ce soit Pierre, tous sont restés fidèles à la mission, à la doctrine de Christ Jésus. Je vous ai donné le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons. Je vous ai donné ce pouvoir gratuitement. Donnez-le gratuitement. Et vous allez voir dans les disciples, dans leur ministère, aucun disciple ne parle d'offrande avant une prière à qui que ce soit. Ça n'existe pas. Lisez toute la Bible. La Bible dit que si quelqu'un ne demeure pas dans la doctrine de Christ, celui-là, Dieu n'est pas avec lui. La doctrine de Christ consiste à annoncer la bonne nouvelle, à guérir gratuitement, à faire des délivrances gratuitement. Ça, c'est la doctrine de Christ. Jésus lui-même l'a appliqué. Les gens ont vu cette doctrine. Et Jésus a donné des recommandations. Il a demandé à ses disciples d'appliquer partout dans le monde la même doctrine. Mais la Bible nous dit que si quelqu'un vient vers vous et qu'il vous apporte une autre doctrine, Dieu n'est pas avec lui. Et la Bible dit aussi, si quelqu'un vient à vous, va au-delà de la doctrine de Jésus, Dieu n'est pas avec cette personne. Parce que qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Vous partez voir un soi-disant homme de Dieu. Il va vous dire, bon, on va bâtir l'autel. Ça n'existe pas dans la doctrine de Jésus. Regardez le ministère de Jésus, regardez le ministère des disciples. Parce que Jésus a dit aux disciples, voilà, je vous donne ce pouvoir, mon pouvoir, ce n'est pas pour le vendre. Je vous le donne gratuitement, vous ne l'avez pas acheté auprès de moi et vous n'avez pas à le vendre. Donc, de la même façon que je vous l'ai donné gratuitement, donnez-le gratuitement et vous allez remarquer que les disciples de Jésus ont été fidèles. Aucun disciple de Jésus ne demande une offrande avant une prière. Ça n'existe pas. Et vous allez remarquer que Jésus a dit aux disciples que l'ouvrier mérite la nourriture. D'accord? Donc, quand vous irez de nation, de région, n'apportez pas de tunique, n'apportez pas d'argent, n'apportez pas ça. Et à la fin, Jésus dit parce que l'ouvrier mérite la nourriture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si j'invite un homme de Dieu qui est au Brésil, je l'invite dans notre église pour un séminaire. S'il n'a pas les moyens d'acheter un billet, on peut lui acheter le billet. On va s'occuper de là où il va dormir et on va s'occuper de ce qu'il va manger. C'est ça la nourriture de l'ouvrier. Selon la Bible, ça ne veut pas dire que le monsieur qu'on a invité, lorsqu'il va terminer de prêcher et que des gens veulent s'entretenir avec lui de façon individuelle, ça ne veut pas dire que les gens qui veulent le voir, bon, pasteur, j'ai le dos qui fait mal, pose une offrande. Pasteur, il y a ma belle-mère là-bas à la maison, elle a le cancer. On va d'abord bâtir l'autel. Quand vous voyez quelqu'un faire ça, ce n'est pas la doctrine de Christ. Les disciples ont appliqué dans leur ministère les recommandations de Jésus selon la doctrine de Jésus, qui consiste à guérir gratuitement, à faire des délivrances gratuitement. Dans la doctrine de Jésus que les disciples ont appliquée, il n'y a pas d'offrande avant une prière. Il n'y a pas d'offrande avant une délivrance. Que les choses soient claires. Parce qu'aujourd'hui, on nous annonce un faux évangile. Gloire à Dieu. 2 Jean chapitre 9 au verset 11. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc les disciples sont restés dans la doctrine. Ils ne sont pas sortis de la doctrine. La Bible dit, celui qui reste dans la doctrine de Jésus a le Père et le Fils. Mais celui qui sort n'a plus le Père. Celui qui sort, la Bible déclare que votre oui soit oui, votre non soit non. Tout ce qu'on ajoute vient du diable. Donc toute personne qui a fait des rajouts sur la doctrine de Christ, c'est-à-dire il dit qu'il est homme de Dieu, et puis il ajoute, il faut d'abord une offrande avant la prière. Ça n'existe pas dans la doctrine de Christ. Mais c'est toi qui l'as rajouté. La Bible dit, celui qui va plus loin, celui qui sort de la doctrine, n'a plus Dieu. À partir du moment où tu ajoutes des choses sur la doctrine de Jésus, tu n'as plus Jésus. Dieu n'est plus avec toi. Et si Dieu n'est plus avec toi, c'est le diable qui est maintenant avec toi. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, cela est important. Il faut regarder les doctrines. Bien aimé, je ne sais pas où tu pries. Si là où tu pries, on te demande une offrande pour une prière, si là où tu pries, on te dit de bâtir l'autel pour une prière, Dieu n'est plus là. Tu as affaire à des loups. Parce que c'est les deux doctrines que nous avons aujourd'hui dans l'église. Nous avons la doctrine de Jésus, où il est dit, je vous ai donné gratuitement, vous aussi donnez gratuitement. Et vous avez la fausse doctrine qui a ajouté des dogmes, qui a ajouté des choses. Genre, on ne va pas voir l'homme de Dieu les mains vides. Montrez-moi dans les ministères des disciples qui a amené une enveloppe parce qu'il va aller voir Paul, qui a amené une enveloppe parce qu'il va aller voir Jacques. Vous ne trouverez pas ça. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui va plus loin, qui fait des rajouts dans la doctrine de Christ, celui-là, Dieu n'est plus avec lui. Quand la Bible dit, celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Si tu ajoutes des choses que la doctrine de Jésus ne connaît pas, Dieu se retire de toi. Tu es malade, on va bâtir l'autel. On va voir un homme de Dieu, frère, sœur. Vraiment, pour que ça marche là, une offrande, ça n'existe pas dans la doctrine de Christ. Si vous avez un homme de Dieu qui demande des offrandes avant la prière, qui parle de bâtir l'autel avant la prière, ça n'existe pas dans la doctrine de Christ. Celui-là, c'est un faux homme de Dieu, c'est un escroc. J'ai vu un de ces escrocs tout dernièrement. Je vous ai déjà même parlé de ça. Il venait de Londres, un Ivoirien. Il vient prêcher ici à Paris. Il termine de prêcher. Et puis à la fin, bon, voici ce que Dieu me met à cœur. Tu es dans la salle. Tu es une femme. Tu n'arrives pas à faire d'enfant. C'est parce que ton ventre a été bloqué par les sorciers de ta famille. Viens ici. Je vais prier pour toi. Viens ici avec 100 euros. Les femmes qui se sont levées, certaines n'avaient pas 100 euros, obligées de se rasseoir. Celles qui avaient 100 euros sont allées devant. Et quand il a vu que certaines femmes ne sont pas venues, et maintenant si tu n'as pas de l'espèce, n'est-ce pas, vous pouvez amener votre carte bleue. Ça, c'est dire que ça n'existe pas dans la doctrine de Jésus. Jésus lui-même, qui va montrer aux gens sa doctrine, ne le fait pas. Les disciples qui respectent les consignes données par Jésus restent fidèles à la doctrine de Jésus. Aucun n'a parlé de donner l'argent. Le même monsieur continue. Bon, maintenant, tes affaires ne marchent pas. Tes études, tu es bloqué, on t'a envoûté. Approche ici avec 75 euros, je vais briser cette malédiction. Tu es une jeune femme, tu n'arrives pas à trouver un mari, c'est parce qu'on t'a envoûté. Viens ici avec 70 euros, je vais briser cette malédiction. Ça, c'est pas la doctrine de Christ. Dans la doctrine de Christ a été appliquée par les disciples de Jésus qui ont respecté ce que le maître a dit. Vous avez reçu la puissance, le pouvoir gratos, donnez-le gratuitement aussi. Et c'est ce que les disciples ont fait. Aucun disciple de Jésus n'a parlé d'offrande. Aucun disciple de Jésus ne parle de « on va bâtir quoi que ce soit ». Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Mais cet évangile où on ne peut plus prier pour la personne qui a besoin d'une guérison, d'une offrande, d'une délivrance, il faut qu'on lui parle d'offrande. On va bâtir l'autel. Ça, ce n'est pas la doctrine de Jésus. Ça, vous ne trouverez pas ça dans la bouche des disciples qui ont appliqué la doctrine de Jésus. Et c'est cette fausse doctrine qui aujourd'hui est rentrée dans les églises. Où il faut de l'argent. Vous avez des gens qui sont à la recherche du pognon. La Bible nous dit dans 2 Jean que toute personne qui sort de la doctrine de Jésus, Dieu n'est plus avec lui. Dieu n'est plus avec lui. Attention, frère, ouvre les yeux. Si le pasteur qui est en face de toi est trop argent, si le pasteur qui est en face de toi demande des offrandes, s'il parle de bâtir l'autel avant quoi que ce soit, tu as affaire à un loup. C'est un faux homme de Dieu. C'est un faux homme de Dieu. Cette personne n'est plus dans la doctrine de Christ. C'est pourquoi la Bible dit, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et beaucoup étant possédés, se sont égarés, se sont éloignés loin de la foi. Vous avez des gens qui ont bien commencé. Ils étaient dans la doctrine de Christ, parce que c'est important à le dire. Il y a des gens qui étaient bien au début dans la doctrine de Christ, mais tellement l'amour de l'argent a envahi leur cœur, ils sont sortis de la doctrine. Il y a des gens au début, ils ne demandaient pas l'argent. Ils ne demandaient rien, ils étaient dans la doctrine de Christ. Mais l'amour de l'argent a rempli leur cœur et ils sont sortis de la doctrine. Aujourd'hui, ça devient la mode. Tu veux voir un homme de Dieu, pose une offrande. Pose une offrande. Une délivrance, pose une offrande.